Est-ce que tu peux sortir de chez toi et partir en courant sans regret? Ouais. Est-ce que tu penses à ton père? Tu te grattes l'œil? Non. Est-ce que tu fumes? Ouais. Est-ce que tu fumes beaucoup? Je sais pas. Est-ce que la foudre est déjà passée chez toi? Non, je T'as des crois. enfants? Et un Non. chien? T'as un chien? Non, non, j'ai pas de Quand t'es chien. malade, tu vomis? Ouais, Et t'as c'est. déjà vomi ton cœur? Et ton cœur, il a déjà vomi? Je sais pas. C'est quoi comme religion? Et quel signe? Ah, tu Quand? faisais combien de kilos à ta naissance? Ben, je sais pas. Tu t'es déjà battu? T'as gagné? Est-ce que t'as mangé des épinards hier? Non, je me suis jamais battue. Ah, t'aimes le verre? Ouais, j'aime le vert. T'as déjà cassé un verre en le faisant exprès? Ouais, ça m'est arrivé. T'as déjà tué quelqu'un? Tu le regrettes ou pas? Ben, Est-ce que tu connais l'amour? Tu connais François? Non, je sais qui est Et moi, François. tu me trouves comment? Je sais pas, Tu crois que tu me plais? je sais Tu pas. crois que je le crois? Est-ce que t'essaierais pas de m'entourlouper là? Non, Tu crois en quelque franchement. chose? Ben ouais. Est-ce que ta vie ressemble à celle de tes rêves? Je sais pas encore, tu vois, c'est encore trop tôt, quoi. T'as pensé à la mort? Je sais T'as pas. peur? T'as Non. peur de la mort? Ouais. T'as peur de ne pas avoir assez de temps? Bah, on n'a pas Est-ce que le beaucoup. ciel va revenir sur ton visage? T'as quel âge? Tu te sens seule? Putain, ça fait du bien de rencontrer quelqu'un qui a autant de rêves. Salut.